Nous sommes de pauvres vieux, des années 1938, nous sommes des rejetés de la nouvelle république. On adore boire du vin en pétant sous les étoiles, on aimerait faire ça tranquille jusqu'à notre dernier soir. Une nuit alors qu'on pétait dehors comme des tarés, la foudre et les éclairs nous ont entourés. Nous sommes allés au lit sans même boire un canon, et d'un seul coup une lumière me sortit de mon futon. Sorti pour voir, j'ai vu une soucoupe tomber dans mon ch'tichan. C'est quoi cette entourloupe? De la soucoupe sortie, un drôle de martien jaune qui parlait comme un dindon, on pourrait le mettre aux zones. C'est l'effet que j'ai fait avec le bombé, ces bruits bizarroïdes qui l'ont fait ramener. Alors qu'il me parlait, il se mit à glouglouter. Alors moi je lui dis, parle clairement la dorée! Un bol de soupe aux choux, ouais. Un bol de soupe aux choux, ouais. T'es là, la nourrie. Comme un bon gars de la France, je lui proposa donc de bouffer un ch'ti quelque chose à s'envoyer dans le menton. Je lui servis alors un bol de soupe aux choux. La denrée réagit avec une force de hibou. Il demanda s'il pouvait en emmener chez lui. Alors bah je lui dis, vas-y donc, emporte-en l'ami. L'espèce d'alien partit avec une bonbonne de soupe et repartit sur la planète à bord de sa soucoupe. Il revint un autre jour, il avait appris le français. C'était plus facile maintenant de converser. Il me raconta que sur sa planète ils étaient sans pas de plantes ni d'animaux, un écosystème pédant. La denrée avait besoin d'analyser le breuvage au cas où il y aurait des agents nocifs pour l'équipage. La denrée repartit vers sa planète Zarbi en me disant un jour qu'il finira par revenir. Un bol de soupe aux choux, ouais. Un bol de soupe aux choux, ouais. Le maire de la ville, le sale vieux troupine, veut nous expulser pour faire un parc de loisirs. Nous on voulait rester, alors il s'est vengé. Il a construit notre parc juste sous nos pieds. Comme on en avait marre, j'ai appelé la denrée et accessoirement le présenta au bombé. La vienne promit de venir nous chercher pour nous emmener sur sa planète de la Voie lactée. Il va nous chercher le soir à la tombée de la nuit. Alors sur un air d'accordéon, nous sommes tous partis. Troupine qui va payer, nos maisons on a emmené. Le maire de Jalini, il va se faire virer. Il va nous chercher le soir à la tombée de la nuit. Alors sur un air d'accordéon, nous sommes tous partis. Troupine qui va payer, nos maisons on a emmené. Le maire de Jalini, il va se faire virer.